chocolat, c'est comme la grève. Ça s'arrête pas. Quand on met le nez dedans, c'est mort. Parce que là, on est devant le petit. Il y a une petite table de fortune sur une ancienne bobine. Bah, on commence à s'organiser. Hein. Ouais, avec café, gâteau. Et puis la file des voitures. Chacun amène son petit truc. Voilà. C'est ça la solidarité. Voilà, il commence à y avoir une sorte de mini embouteillage de 10 voitures devant l'entrée de l'hôpital du Rouvray. C'est ce qu'on veut. Puisqu'il y a distribution des tracts à tous les gens qui vont prendre leur service à l'heure actuelle. Quand on a fait la distribution des tracts à Renault Cléon, il y avait des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Ouais. En plus, on parlait avec les gens à chaque fois pour bien bloquer. Et les tracts, ils étaient bien reçus ? Très bien. Ouais. Oui, oui. Bon, allez, on va dire 10% peut-être qui passaient. Mais c'est tout, quoi. Tous les autres, ouais, à fond. Ils étaient contents qu'il y ait des gens qui fassent grève. Oui. Si c'était tout le monde, ce serait beaucoup mieux, mais ouais. Et ça irait beaucoup plus vite. Mais les gens ne comprennent pas. Ils ont un petit... Bon, je sais pas. on laisse les autres se débrouiller, et puis nous, on continue notre petite vie tranquille. C'est aussi quelque chose qui est orchestré, parce que comme tu dis, on a nous l'impression d'être soutenus par 90% de la population. Quand on entend les chiffres que les médias proposent, mais oui. C'est un peu une autre interprétation. Ah, donc effectivement, oui, c'est le cas. Être soutenu, c'est bien, mais il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils arrêtent de gratter. Ça, c'est vrai. En 3 jours, c'est réglé. Et les gens ne comprennent pas. Je sais pas. Général. Mais oui, quand on dit général... Sinon, ça va péter. Ça va jeudi, il y avait du monde à Rouen. Ouais. Oui, c'était immense. On a quand même un bon mouvement, là, pour effectivement, par rapport à ces 10 dernières années... Après, si on regarde un peu l'histoire des mouvements sociaux, bon, c'est sûr qu'on a perdu en puissance. Il y a eu les gilets jaunes quand même. Hein. Bien sûr. Ah, si, qui sont toujours jaunes, là d'ailleurs. Je pense que ce ne serait pas aussi fort aujourd'hui. Hein. Non. C'est grâce aux gilets jaunes que ça a pu... On se faisait la réflexion qu'il y a eu une porosité des gilets jaunes envers les syndicats. Hein. Les syndicats se gilets jaunisent. Mmh. Et heureusement, les gilets jaunes ont réussi à pas, eux, à se faire happer par le syndicat, exactement. Il y a une entente. Ça le fait, là. On est solidaires, on fait les mouvements, les opérations ensemble. On discute, c'est on parfait. Apprend à se connaître, prend nos numéros, on se retrouve. Il est bon, le petit gâteau, là. On a une arrivée de sapins de Noël pour allumer les feux. Ouais. En fait, il suffit de faire un tour dans les rues de Saint-Étienne et de Sotteville. Et puis, on a de quoi alimenter ce joli feu de joie. Ah bah, puis, on est beaucoup alimenté au rond-point des vaches aussi. Hein. Le folklore saisonnier. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui viennent au rond-point des vaches déposer des choses. Hein. C'est vrai ? Ah oui. Ouais. Ils savent. Hein. Des palettes, du bois, n'importe. Comment c'est beau ! Et au rond-point des vaches, vous continuez à tenir des AG tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, sur le rond-point ? Ouais. Oui, sur le rond-point. Vous avez une cahute ou non ? Ils l'ont défait. On a un camion. Ah, vous avez un camion. Non, parce que les baraques, ils les détériorent tout le temps. Donc maintenant, on a un camion qu'on déplace tous les soirs. Mais on a notre... on a un peu de bouffe, on a à boire, on a... Voilà. Et on fait les AG. On a la lumière. On se débrouille. Bon, on en refait de temps en temps des cabanes quand même. Quand ça nous prend. Une petite envie de bâtir. Voilà. Bon, c'est vite détruit, hein. Dans les 2 heures qui suivent, il n'y en a plus. Parce que les flics sont toujours là, à nous surveiller. Mais on est là. Ouais, tous les jeudis soirs, on fait nager pour voir comment on s'organise, comment on fait les choses. Comment... Puis vous faites partie aussi, vous prenez part aux décisions avec l'intersyndicale aussi maintenant. maintenant. Je suppose qu'en amont, ça nécessite beaucoup de discussions entre vous sur votre position. Tout à fait. Ça, c'est une... C'est assez récent que les Gilets jaunes et l'intersyndicale discutent. Depuis le 5 décembre, quoi. Depuis le 5 décembre. Depuis début décembre, on va dire. Parce qu'avant, on était tout seul. Mais maintenant, voilà. Moi, je dis que c'est bien. Oui. De toute façon, c'est tous ensemble qu'il faut faire quelque chose. C'est pas par-ci, par-là, par-là, ça donne rien. On va tous se rassembler. Thank you.